Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Jérusalem, ville sainte. Tous les rêves impériaux sont venus mourir à Jérusalem. Siècle après siècle, les remparts de la vieille ville ont vu passer les Assyriens, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Francs, les Turcs, les Britanniques. Mais aujourd'hui encore, le roi David, Jésus de Nazareth et le prophète Mahomet demeurent les seuls vrais maîtres des lieux saints. Jérusalem, ville trois fois sainte, lieu de pèlerinage pour les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans. Jérusalem est aussi un carrefour de civilisation et de culture, de même qu'un lieu stratégique d'importance. Ici, les trois grandes religions monothéistes se disputent le cœur de Jérusalem. C'est la raison qui a poussé de nombreuses puissances européennes à tenter de la conquérir tout au cours de l'histoire, comme l'évoque l'extrait du documentaire d'Olivier Mille, « Cité de Dieu » qu'on vient d'entendre. Je vous assure que quand le vendredi soir, vous voyez descendre vers le mur des Lamentations tous ces Juifs qui quittent leur quartier pour aller prier, car c'est le sabbat, la veille du sabbat, et qu'en même temps vous voyez ce même vendredi des centaines, des milliers d'Arabes sortir de cette mosquée d'Omar avec ce dôme étincelant, sur cette grande esplanade du temple, en plein cœur de la vieille ville de Jérusalem, et que subitement vous entendez des cloches sonner, qu'on vous dit ce sont les cloches du Saint-Sépulcre, vous comprenez que Jérusalem est une ville où Dieu existe. Tous ceux qui sont allés un jour à Jérusalem se reconnaîtront et reconnaîtront au fond le sentiment qu'ils y ont eu. Dans cette description que fait l'auteur Dominique Lapierre de Jérusalem, dans cet extrait qu'on vient d'entendre et qui date de 1976, pour nous parler de Jérusalem, la ville actuelle et les nombreuses traces qui a laissé l'histoire au fil du temps, mon invité est Pierre Anctil. Pierre Anctil, vous êtes historien, professeur à l'Université d'Ottawa, auteur de nombreux livres dont « Les Juifs de Québec, 400 ans d'histoire ». Merci d'être avec nous, Monsieur Anctil. Ça me fait très plaisir. Vous êtes allé à Jérusalem une dizaine de fois. Oui, vous y avez séjourné 6 mois en 2012. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans cette ville? C'est le centre du monde à bien des points de vue. Et d'ailleurs, sur les cartes au Moyen-Âge, on plaçait toujours Jérusalem au milieu de trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Un vrai carrefour. Exact. Et de grands débats qui touchent le monde entier se passent à Jérusalem. Les questions, évidemment, de laïcisation, les questions qui touche les religions fondamentalistes, les questions de paix. La paix dans le monde se joue beaucoup dans cette région et c'est pas seulement une question d'affrontement entre juifs et musulmans, puisqu'on voit la question syrienne, par exemple, on voit la question irakienne, il y a la question de la survie des chrétientés, il y a énormément d'éléments, plus le pétrole, plus la libre circulation des marchandises, etc., etc. Donc un terrain pour vous d'une richesse inouïe. Oui. Cette ville, la Jérusalem qui existe actuellement, celle qu'on voit, je pense à la vieille ville surtout, mais bon, dans une certaine mesure, la nouvelle ville aussi. À quoi ressemble-t-elle, cette ville-là? À quelle période de l'histoire correspond-elle? Ben, à part la vieille ville, qui finalement est 1 km², qui est resté en fait tout Jérusalem jusque vers 1900 à peu près. Tout ce qu'on voit, c'est après la période britannique, c'est le 20e siècle, et même c'est après la période israélienne. Il y a eu énormément de constructions nouvelles, il y a eu énormément d'édifices en hauteur. Alors, la ville vibre dans la modernité, mais quand on arrive dans la vieille ville avec les murs sont de 1500 environ, là on pénètre dans un monde qui est totalement différent et qui est à étagements multiples. On voit pratiquement depuis l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui toutes les strates s'exprimer, se profiler sur l'horizon. C'est vraiment très impressionnant. Et au fait, la ville moderne est probablement, on peut dire, une ville méditerranéenne qui a un côté assez européen. La vieille ville, là on se retrouve vraiment au cœur historique, mais dans la culture proche-orientale. Oui, puis c'est aussi une ville qui est à l'intérieur de plusieurs frontières. C'est une ville qui est à l'extrémité de l'État d'Israël, qui est donc très proche de la Mer Morte et de la Jordanie. C'est une ville aussi qui est au cœur d'une série de revendications territoriales. C'est une ville qui est sur une hauteur, donc elle domine toute la région sur le plan géographique. C'est c'est un endroit tout à fait unique. On va revenir sur cet incontournable aspect. Je le disais d'entrée de jeu, ville trois fois sainte. Jérusalem, c'est un lieu de pèlerinage pour les trois grandes religions monothéistes. Les juifs, les chrétiens, les musulmans ont des lieux sacrés dans cette ville. On va y revenir avec vous dans un instant, mais juste pour faire un premier survol, un premier panorama de cette richesse, on écoute l'ex-haut fonctionnaire André Patry à l'émission Second Regard en 1980. D'abord, pour les juifs, c'est leur seule ville sainte. C'est la ville du Temple, c'est la ville de l'Arche de l'Alliance, c'est la capitale de David et de Salomon qui marque l'apogée du royaume israélien, et c'est finalement la ville qui identifie le judaïsme l'an prochain à Jérusalem, comme on avait l'habitude de faire dans toutes les prières juives. Donc, unique ville sainte. Pour les chrétiens, c'est la ville de la dernière scène, c'est la ville de la Passion et de la mort du Christ. Il y a quelques monuments importants, dont le Saint-Sépulcre, que nous trouvons toujours là-bas. C'est la ville de la Via Dolorosa. C'est aussi le siège du premier diocèse chrétien de l'histoire. Le premier diocèse, c'est pas Rome, c'est Jérusalem. Et le premier évêque chrétien, ça a été Saint-Jacques. Et finalement, c'est le souvenir peut-être aussi des croisades, mais ça, n'en parlons pas trop. Quant aux musulmans, c'est la ville vers laquelle au début ils devaient faire les prières. C'est la ville d'où est parti le prophète dans son ascension nocturne vers le ciel, à partir de la mosquée Al-Aqsa, de l'emplacement de cette mosquée. Et c'est la ville aussi où se trouve la troisième mosquée importante de l'islam, Al-Aqsa, ici. Alors, Pierre Anctil, je vous propose de poursuivre sur cette lancée. Faisons un peu, parcourons l'histoire de cette ville, Jérusalem, en visitant ces grands monuments sacrés. Chronologiquement, bien sûr, on commence par la présence des Juifs à Jérusalem, et puis l'incarnation de cette présence-là. Le monument des monuments, c'est le mur des Lamentations. Oui, qui, en fait, est simplement une partie de l'esplanade que le roi Hérode avait construit à peu près 100 ans avant le Christ, et qui est finalement un mur de immense bloc de grès qui s'élève. Alors, quand on se tient au pied, on voit ce mur s'élever devant nous, qui tout ce qui reste d'un immense complexe autrefois qui abritait deux temples, deux fois détruits, qui abritait aussi une ville autour où se logeaient les prêtres et les gens qui avaient le pouvoir politique à Jérusalem et dans le monde juif. Et ce mur, il est extrêmement impressionnant. C'est quelque chose qui bouleverse. Et ça incarne, donc c'est vraiment le foyer des Israélites, on les appelait comme ça à l'époque, là. Donc quoi, 100 ans, ça commence à peu près 100 ans avant le Christ, c'est ça? Oui, on construit ce mur à un endroit, en fait, c'est le temple de Salomon qui est déjà là, qui va être détruit. Aussi, c'est l'endroit présumé où Abraham aurait voulu sacrifier son fils, arrêté par un ange, arrêté par la volonté de Dieu. Et ça sera aussi un site où il y aura, une fois que la ville sera devenue chrétienne, sous Constantin, vers 300 après Jésus-Christ, il y aura une église qui sera là. Ensuite, une mosquée qui sera là, qui reste maintenant. Ouais. Puis évidemment, toujours ces guerres qui viendront au 20e siècle, parce que après la guerre de 48, à la création de l'État d'Israël en 49, le mur sera dans la section palestinienne. Exact. Il reviendra du côté juif israélien en 67. Et on pourra y revenir. La chrétienté. Le grand monument, je pense que c'est, on l'évoquait il y a un instant dans cet extrait, l'église du Saint-Sépulcre. Oui, l'église du Saint-Sépulcre qui est construite très rapidement au début de l'ère chrétienne. On est en quelle année à peu près? Vers 300-400, Sainte-Hélène, la mère de Constantin, vient. L'empereur Constantin vient et prétend découvrir le lieu où le Christ a été exactement crucifié, l'endroit où il a été placé quand son corps a été dans une petite grotte, et ensuite l'endroit où a eu lieu la résurrection. Donc c'est ça le sens. Et c'est sur ce site qu'est construite l'Église, sur une très longue période de plusieurs siècles, partagée entre au moins 6 confessions chrétiennes différentes, qui n'ont pas le même calendrier, qui n'ont pas les mêmes rituels, qui prient tous le même Christ de manière différente, avec différentes langues. Et qui se partagent donc cette Église, ce lieu. Ah oui, c'est un endroit absolument étourdissant, parce que on y voit des gens de toutes les confessions chrétienne. On y voit aussi des manifestations qui parfois sont très surprenantes, parce qu'on n'est pas nous, chrétiens occidentaux ou latins, on voit les croyances orthodoxes, on voit les coptes d'Égypte, on voit les syriaques qui n'ont pas du tout la même approche rituelle. Ouais. Il y a aussi évidemment de lier à cette chrétienté, il faut voir, là, on est dans la vieille ville, il y a 4 quartiers dans cette vieille ville, hein, oui. Juifs, musulmans, chrétiens et arméniens, oui. Mais c'est un peu le bazar, là. c'est des petites ruelles. Et il y a dans tout ça, il faut faire preuve d'un peu d'imagination, le chemin de croix finalement. Oui, qui est une reconstitution très ultérieure du parcours que le Christ aurait fait, du tribunal jusqu'à la crucifixion finale. On n'est pas sûr exactement, mais marquant donc exactement comme une église, un chemin de croix, mais en pleine rue. Et donc, ça traverse toute une partie de la ville. Et autour, évidemment, de ces lieux, se sont agglutinés pendant des siècles différentes églises, différents lieux de culte, de différentes confessions chrétiennes qui ont laissé des monuments parfois très impressionnants et qui sont toujours des lieux actifs et qui font de la vieille ville un espace partagé par plusieurs traditions. Et l'un des espaces les plus impressionnants, c'est évidemment, puis là on entre dans la période musulmane, donc quoi, 637 après Jésus-Christ, l'esplanade des mosquées, le dôme du rocher. Et Mohammed qui fait son ascension vers le ciel, sur le site on a le dôme qui est un chef-d'œuvre d'architecture orientale et on a une mosquée qui est un peu ultérieure, mais partout dans la vieille ville aussi, on a même dans des quartiers chrétiens et juifs, on a des petites mosquées qui sont donc de cette époque, qui sont restées, qu'on a tout simplement laissées. On a aussi un quartier musulman, arabe, très bien défini dans la vieille ville, où on pénètre dans un autre univers. Alors, il y a l'univers des chrétiens arabes, mais il y a l'univers aussi des musulmans arabes et un quartier juif et un quartier qui est à dominante arménienne et un autre à dominante chrétienne arabe. Ouais. Donc, ça fait, dans un espace extrêmement limité, beaucoup de diversité. Bon, le temps file. Parlons de cette Jérusalem au 20e siècle. On l'évoquait au tout début de l'émission. Beaucoup de puissances européennes vont s'intéresser à la ville. Britanniques, Russes, Français vont s'intéresser, Pierre-Anctil, à cette ville. Oui, tout à fait, parce que, d'abord, elle est très proche du canal de Suez. Les Britanniques voudraient bien sécuriser la rive est du canal de Suez. Elle offre aussi une porte d'entrée vers l'Irak, vers les grands espaces intérieurs. Et elle a une valeur symbolique extrêmement grande pour les grandes puissances européennes. Qui va contrôler Jérusalem va être considérée comme une puissance tutélaire de la chrétienté au complet. Alors, finalement, les Allemands s'y intéressent à la fin du 19e. Les Français, on le sait, vont établir une tête de pont sur le Liban et la Syrie. Et les Britanniques vont prendre la ville militairement pendant la Première Guerre mondiale en 17 et vont y rester jusqu'en 48. Et c'est eux, les Britanniques, qui vont donner au futur État d'Israël ses frontières, ses balises et son infrastructure, son espace étatique. Parce que la présence britannique, c'est au fond le début de... concret de ce que du mouvement sioniste là qui existait, l'idée était là, mais c'est vraiment sous le protectorat britannique que ça prend de l'ampleur. Non seulement c'est parce qu'il y a eu l'occupation militaire, mais en plus Balfour, qui est un membre du gouvernement britannique en 17, déclare que les Britanniques et dont les alliés au complet en fait vont être favorable à l'établissement d'un foyer national juif. Et l'ambiguïté est là, et ça va perdurer pendant plusieurs décennies. De quoi exactement on parle? Comment ça va se définir? Et on le saura seulement en 48. Oui. Qu'est-ce qui se passe? En un mot, en 48. En 48, évidemment, les Nations Unies décident de couper la Palestine en deux parties, une partie arabe et une partie juive. Aussitôt, la guerre se déclare entre les États limitrophes, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie et d'autres bataillons qui viennent de plus loin, et c'est une lutte à finir pour détruire, pour repousser à la mer les établissements juifs, en particulier la partie juive de Jérusalem, et l'armée israélienne qui est naissante et débordée à Jérusalem maintient très difficilement ses positions et doit céder la vieille ville, dont le mur des Lamentations. Et il y aura quand même création d'un État israélien, donc en 48. Oui, en 48, formellement, qui va prendre une forme à mesure que les années passent, avec Ben-Gourion à la tête, dans un État qui est une partie démembrée de la Palestine. Bon, on va pas refaire toute l'histoire du conflit israélo-palestinien, mais il y a quand même un autre rendez-vous qu'on ne peut pas ne pas signaler, la guerre, parce qu'il y aura toute une série de guerres dans ce conflit israélo-palestinien, la guerre des six jours de 67, extrait d'un reportage de Danny Brown à l'émission Dimanche Magazine en 1988. En moins de 6 jours, Israël écrase les armées de la coalition arabe, occupe un territoire 4 fois plus grand que celui qu'il avait déjà, et s'empare de Jérusalem, une ville hautement symbolique tant pour les Arabes que pour les Juifs. Mordecai Od. Jerusalem was something which was above and beyond every dream of every Jew. Jérusalem était quelque chose au-dessus de tout. C'était le grand rêve de tous les Juifs à travers le monde, peu importe où ils vivaient. Vous savez, nous avons une prière qui dit « l'an prochain à Jérusalem ». Alors imaginez le sentiment qui a ébranlé le pays lorsque nous avons capturé Jérusalem. Des centaines de milliers d'Israéliens se sont rendus dans cette ville juste pour être sur place, pour toucher les pierres, sentir l'histoire. C'était vraiment très excitant. To touch the stones, to touch the history. So it was something very new and very exciting. Cette chanson qu'on entend dans le reportage de Danny Brown, elle est composée quelques jours avant la guerre de 67. Ça va devenir un chant de ralliement sioniste. Pierre-Antoine, on l'entendait bien dans cet extrait. Les Israéliens, les Juifs reprennent la ville, la vieille ville de Jérusalem. C'est vraiment pour eux l'euphorie, là. Oui, et c'est à la surprise générale, parce que quand la guerre se déclare, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. On ne connaît pas exactement la capacité de frappe des différents pays arabes. Les Israéliens ont une aviation, ils vont s'en servir, évidemment, pour détruire les aéroports très éloignés, mais on n'a aucune idée de la capacité de résistance des Jordaniens qui tiennent la vieille ville. Et en l'espace de quelques heures, tout est renversé. Il y a une capacité pour de la part des Israéliens de s'imposer militairement. Et tout à coup, ils arrivent devant le mur, ils arrivent dans la vieille ville, ils reprennent ce qui leur a été enlevé, en fait, en gros, 20 ans plus tôt. Les Jordaniens avaient détruit à peu près tout ce qu'ils pouvaient dans la vieille ville, dans la partie juive. Ils se retrouvent en possession d'une clé de leur histoire, et c'est la consternation et la joie aussi, évidemment. Et ils vont, parce que pour eux, c'est fondamental, encore une fois, on l'entendait, ce que ça représente dans cet extrait, il y aura destruction d'un quartier, le quartier qu'on appelait le quartier maghrébin, 650 maisons, pour faire, devant ce mur, ce grand lieu de prière, cette esplanade qu'on voit aujourd'hui. Oui, exact. Alors, probablement que depuis très très longtemps, certainement depuis le Moyen-Âge, on avait construit à la va comme je te pousse, des petits logements. Les Israéliens offrent aux habitants, tout de suite après la fin de la guerre, de quitter. Ils les dédommagent et ils les amènent dans une autre partie de la ville et ils rasent tout pour qu'on voit enfin ce mur. Ouais. Parce qu'entre le mur et ce quartier délabré, il y avait quelques mètres seulement. Après, évidemment, donc Jérusalem, la vieille ville qui redevient possession juive, si je puis dire, il y aura cette politique de peuplement, de colonisation dans Jérusalem, autour de Jérusalem. On écoute là-dessus l'auteur du livre « Jérusalem de la division au partage », Agnès Levallois, à l'émission « Signe des temps » en 1995. On voit bien, quand on a une carte de Jérusalem sous les yeux, comment les plans d'urbanisme ont été conçus pour justement assurer la mainmise israélienne sur l'ensemble de la municipalité de Jérusalem. On voit bien que les villages, les quelques villages arabes qui sont aux alentours de Jérusalem sont entourés de nouvelles villes habitées par des Israéliens, par des Juifs. Et on voit bien toute la stratégie de l'urbanisation, c'est d'entourer Jérusalem par des colonies israéliennes, des colonies de peuplement juif, et inverser le rapport démographique au sein de la ville, c'est-à-dire que maintenant, par exemple, dans la vieille ville arabe de Jérusalem, le rapport démographique a changé et que les Juifs sont majoritaires au sein de la vieille ville arabe de Jérusalem, ce qui est quand même là une des conséquences de ces plans d'urbanisation. Et il y a toute une série de mesures qui sont prises régulièrement pour justement rendre la situation sur le terrain irréversible et qu'à la limite, il n'y ait plus rien à négocier l'année prochaine quand on arrivera à négocier du statut de Jérusalem. Alors, le poids du nombre, Pierre Antil, ce sera vraiment fondamental dans tout ce conflit israélo-palestinien. Oui, c'est que fondamentalement, la ville est indéfendable. Elle est ouverte, elle est en fait accessible par tous les côtés. Militairement, l'État d'Israël est difficile à défendre aussi parce que stratégiquement, il était situé d'une manière géographique assez fragile. Alors, Jérusalem va devenir un des points d'ancrage. On va y placer évidemment l'administration centrale, on va y placer le gouvernement, on va y placer tout ce qui compte. Et autour, on va bâtir une ceinture de banlieue extrêmement moderne, très planifiée. Ça ne signifie pas pour autant que on peut le dire aujourd'hui qu'on a exclu la population arabe. La population arabe est toujours sur là. Il y a encore beaucoup de cohabitation, il y a encore beaucoup d'espaces qui sont partagés, il y a encore des négociations à venir, et s'il y a des frontières qui bougent parfois, il est à prévoir qu'il va y avoir encore des négociations et qu'il va y avoir encore des changements importants. Il y a peut-être, je ne sais pas si c'est angélique de dire ça, mais en tout cas, deux niveaux de lecture, le niveau politique et le niveau de la vie de tous les jours, mais il y a en même temps des points de tension, c'est certain. Une sécurité très, très grande, dans cette ville-là. Mais dans cet ordre d'esprit, un dernier extrait, le père Dubois, qui est plutôt du côté des optimistes, disons ça comme ça, qui parle un petit peu de cette cohabitation à l'émission Dimanche Magazine en 1991. Il y a, chez les vrais croyants, ici je ne parle pas des établissements religieux avec leur implication politique, c'est ça que nous souffrons. Vous savez, je dirais, dans le rapport avec Dieu et dans le rapport avec les hommes de Dieu ou avec les fidèles ou les hommes de bonne volonté des trois religions, il n'y a pas de problème. Il y a certains qui ont beaucoup de problèmes d'aménagement territorial, diplomatique, politique. Oui, je ne suis ni un juriste ni un diplomate. Je crois qu'on trouvera une solution. On ne peut pas trouver de solution. Elle sera la dernière concernant Jérusalem. Je crois qu'on peut trouver une manière de vivre ensemble, respectant les liens de chacun, de chaque communauté avec cette ville. Mais il est bien clair, par exemple, que pour les Israéliens, il y a une prétention historique et politique, puisque c'est la cité de David. Pour les Arabes, il y a, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, le fait d'avoir vécu ici, donc ce sont des citoyens de la ville, puisqu'ils ont vécu ici. Pour les chrétiens, c'est plus vague, parce qu'il y a un lien spirituel avec Jérusalem, mais l'Église catholique ne prétend pas à une possession politique de Jérusalem. Donc, à mon avis, on peut aménager ces types de présences, ça demandera beaucoup de labeur, ça demandera surtout l'aménagement de la paix dans tout le Proche-Orient, comprenez ? Je ne vous demanderai pas, Pierre Anquetil, si vous croyez cette paix possible, mais en tout cas, puis terminons là-dessus, on l'a évoqué un peu, encore une fois, sans faire d'angélisme, vous avez vécu là 6 mois. Oui, moi, je suis de ceux qui pensent que la paix est possible. La paix est possible à certaines conditions, dans des contextes bien définis, avec probablement un entourage international très, très prégnant, qui va ceinturer, qui va soutenir cette paix, mais la paix est possible. Je pense que les habitants de Jérusalem la souhaitent ardemment, ils la désirent profondément et la ville en a besoin pour se développer, pour rendre toutes ses promesses. Pierre Anquetil, professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa, auteur de plusieurs ouvrages sur la question juive, dont « Les Juifs de Québec, 400 ans d'histoire » qui a été publié tout récemment en 2015. Merci beaucoup, Monsieur Anquetil. Merci, ça me fait très plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.